Nature et moi, le jeudi, 17h30 à 18h. Bienvenue à tous dans La Nature et moi, l'émission qui vous permet d'exprimer votre émotion face à ce bouleversement climatique et de partager vos engagements envers cette belle planète. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas est délégué à la protection judiciaire des majeurs à Nancy et se mobilise quotidiennement pour éviter d'abîmer cette terre. Alors Thomas, tu ne fais pas partie de groupe écolo ou d'association, mais dans ta vie quotidienne, tu es un super colibri. Tu tries tes déchets, ne jettes rien par terre, donc ce sont des gestes quand même quotidiennement... C'est extrêmement important. Et alors, lorsque l'on sait que des bénévoles doivent organiser des journées de ramassage des déchets des autres, c'est tout simplement aberrant, je trouve, de se dire que de nombreuses personnes sont malveillantes envers la planète. Alors, merci déjà de faire ces petits gestes, quoi. Mais de rien, avec plaisir, c'est normal. Et tu m'as dit d'ailleurs que cela te choquait et que tu ne comprenais pas bien pourquoi un tel s'en gêne. Ben oui, pour moi, c'est simplement un respect de l'environnement, des autres. Parce que on vit sur la planète et la planète comme notre vie pour moi c'est un cadeau, il faut en prendre soin. Et malheureusement il y a de plus en plus de monde qui jette les choses, des détritus, quoi qui se passe, sans s'occuper de la répercussion, des répercussions pour la planète, pour le temps que ça va mettre pour se détruire, se désagréger. Et oui, pour moi, c'est un sans-gêne qui m'embête, que je ne comprends pas. Un manque de respect, mais bon, ça, c'est en train de changer, c'est bien. Oui. Et tu as mis le point sur une notion importante, l'éducation. Oui. Alors, c'est vrai que sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales, alors... l'éducation, c'est action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne, initiation à un domaine de connaissance, à une activité ou une discipline particulière. Donc, les actions d'une personne sont le reflet de ce qu'elle a appris dans son enfance, normalement. Oui, alors, effectivement. Et toi, comme tu es à la base assistante sociale, est-ce que tu as pu observer, je pense, des carences éducatives ? Oui, oui, oui. Après, c'est le respect, manque de respect entre les personnes, d'accepter la frustration. L'épuisement aussi, éducatif, parce qu'on a pris l'habitude de se débarrasser de quelque chose dès qu'on n'en veut plus. Ouais, on ne cherche plus à se dire « Ah ben, mais j'en veux plus à faire d'efforts, en fait. Ouais. » Et du coup, dès qu'on ne veut plus, on se débarrasse. Ouais. Et c'est pareil, malheureusement, avec les déchets ou même avec les personnes, la manière de considérer l'autre, la manière de considérer la planète. Bah voilà, on n'en veut plus, on jette n'importe où, aucune importance. Ouais, c'est quelque chose de global, quoi. Ça a vraiment changé. Mais ça, c'est quelque chose qui a été appris, ouais. Malheureusement, par au fil des générations. Mais ce qui est bien, c'est que comme ça a été appris, on peut prendre le temps, ça prendra beaucoup de temps, de déconstruire tout ça et de réapprendre les bons gestes, les bonnes habitudes. Ouais, bien sûr. C'est dans ce sens-là que c'est positif. C'est clair. Ça garde espoir. C'est clair. Alors, dans ce sens-là, tu vas également voir un bureau de tabac, tu m'as dit, pour éviter de jeter des mégots par terre. Oui, c'est vrai que... Explique-nous. C'est vrai qu'étant étant fumeur de temps à autre, ça m'embête toujours de jeter les mégots par terre, parce que je me dis... Non, ça me correspond pas, quoi. Ça me correspond pas, donc du coup, comment faire ? Et comment font les autres aussi par rapport à ça ? Et c'est vrai que j'ai vu qu'en Angleterre, par exemple, à Londres, ils proposaient comme des grandes boîtes avec des questions dans la rue, où les gens, du coup, en jetant leur mégot, ils pouvaient voter oui ou non à une question. C'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, on voyait que les mégots étaient bien stockés. ce qui était quand même pas mal, mais après, au niveau du bureau de tabac, essayer de voir s'il y a des choses de faites, des distributeurs de cendriers individuels, rien que ça. Parce que même si collectivement, on mobilise les gens sur ça, pour changer leurs habitudes, pour ne plus jeter des mégots. Mais c'est individuellement, en fait, qu'il faut intervenir, parce que... on peut très bien se dire, là je suis en groupe et tout, je suis avec des potes, avec des gens que je connais, on est là pour ça, donc je fais le bon geste, mais tout seul, on peut rattraper cette mauvaise habitude. Donc du coup, essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et puis aussi, pourquoi pas, au niveau des mairies, ça peut entrer en ligne de compte dans leurs actions pour faire un geste pour l'environnement. Et puis bah après voilà au niveau des financements aussi mobiliser ce qu'il faudrait mais ouais. Je trouve que ce serait pas mal mais bon il y a plein de choses à faire ah, y a plein et de c'est choses. Ça c'est ça qui est riche c'est ouais. que bah voilà chacun a des idées ouais. et c'est ça c'est chacun trouver son petit sa petite façon de faire pas forcément copier sur ce qui est dit on n'est pas voilà on n'a pas tous à avoir la même attitude la même pratique mais chacun dans son quotidien peut échanger quelque chose et c'est ça qui est riche c'est clair d'être utile à son niveau, de la manière dont on veut. Alors, cet engagement, en fait, envers la planète, ça m'amène à ton premier souvenir fort. Ouais. Tu m'as dit, c'est les couchers de soleil quand tu étais scout de France. Oui. Alors, moi, je te cite. Alors, tu m'as dit, un moment rien qu'à moi, levé en premier, et une petite marche jusqu'à un endroit qui me plaît, au calme. Rendez-vous entre la nature et moi au réveil, pour assister au réveil du soleil. Un moment féerique, magique, qui me remplit de joie, d'espoir, et me confirme que chaque jour est nouveau, avec son monde à inventer. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire, ça me permettait, moi, de me reconnecter à la nature et de prendre le temps, tout simplement, parce qu'on ne prend pas assez le temps, malheureusement, je C'est trouve, clair, ouais. au quotidien. Et là, j'avais la possibilité d'avoir ce temps juste pour moi, parce que, bah voilà, dans le cas du scouting, c'était que énormément de collectifs. Et là, j'avais besoin, moi, d'avoir ce petit temps-là, rien qu'à moi, pour me dire, ah bah, mais t'as vachement de chance, en fait, d'être là où t'es, de pouvoir admirer la nature dans sa beauté la plus simple. C'est vrai que des fois, on ne prend pas assez conscience que le soleil, c'est pas comme une sorte de boule de lumière qui s'éteint chaque soir et se rallume le matin comme une ampoule, quoi. Et c'est vrai que c'est des fois difficile, même pour moi, de me dire, en fait, c'est un astre, une étoile qui nous réchauffe. D'ailleurs, un petit peu trop, des fois, hein, mais bon. Mais qui a environ 5 milliards d'années, quoi. Enfin, ça nous dépasse, quoi. Et quand tu parles, c'est vrai, le réveil du soleil, c'est comme si cette étoile devenait presque une personne qui nous est chère, quoi. Oui. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il est vachement plus vieux que nous, donc c'est bien que sans jeune, c'est cool. Mais du coup, c'est ça, c'est de prendre conscience que bah ouais, l'univers, en fait. Et on peut observer l'univers, le soleil, les étoiles, les planètes, mais que tout ça, ça a une durée et il faut en prendre soin et être conscient de la chance qu'on a d'être sur cette planète. Et du coup, bah, comme on a de la chance, autant en prendre soin. C'est clair. Ah, j'avais relevé que dans la mythologie, le soleil était aussi symbolisé par un personnage ou un animal. Certains peuples nomades d'Asie centrale considéraient le soleil comme un principe féminin, la mère soleil. C'est assez marrant. Alors, je voudrais souligner que tu es d'origine colombienne. Et que j'avais remarqué que le drapeau colombien donc, comporte trois couleurs horizontales, jaune en haut, bleu au milieu et rouge en bas. Et Ouais, curieusement, c'est la ça. bande jaune est plus large que les autres. Et elle représente l'or, mais aussi le symbole de la richesse de la terre colombienne, comme le soleil, Oui. source de lumière et d'harmonie. Je trouve que c'est... Oui, Enfin, parce que les éléments sont très, dans cette culture, les éléments sont très, très importants. ouais. Et puis aussi la religion, la nature. Mmh. Et c'est vrai que pour y avoir été pendant quelques mois, Ouais. voilà, c'est ce que je retiens avant tout, c'est la richesse des personnes, la richesse intérieure des personnes qui n'ont pas forcément grand-chose, hein, concrètement, financièrement, en termes de moyens, mais qui humainement sont très riches et gardent en eux ces valeurs de solidarité, de partage, de bienveillance, de respect aussi de la nature, avec une prédominance pour la religion qui est Ouais. extrêmement importante. Et du coup, ça vient de là, ça découle de tout ça, et puis de l'adoration aussi du Dieu Soleil. Et tu parlais tout à l'heure d'autres peuples, d'autres contrées qui parlaient du Soleil comme la mère. Un élément féminin, mais pourquoi pas aussi? Parce que moi, ça me fait penser au fait que bah, le soleil l'enveloppe de sa chaleur, de sa douceur, tous les êtres de cette planète, de la même manière. Et cette douceur-là, bah, il faut qu'on la redonne à la nature. Ouais. Bah, tu me laisses sans voix. Alors, je vais passer le premier intermède musical qu'on a choisi ensemble, enfin, par rapport à ta liste. Alors, c'est Maria Cristina Plata, Mi Boraras. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida, como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás sin importar si me derrumbo por un beso o sea distinto lo que digo, lo que pienso, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero, aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco y a partir de este momento una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Será mejor para los dos, yo te lo juro. Me olvidarás y no habrá nada en este mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás porque es lo único que espero, aunque mis labios te repitan que te quiero. Me borrarás porque ya no te pertenezco y a partir de este momento una historia que contar. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Me borrarás y aunque nos duela cada intento, cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más. Nous venons d'écouter Maria Cristina Plata, Mi Borrarás. Vous êtes sur Fadjet dans l'émission La Nature et moi, où chaque invité partage ses engagements pour la planète et son souvenir marquant face à la nature. Thomas est un colibri qui prend soin de la planète en évitant de la souiller par le rejet de déchets. Et ton souvenir, Thomas, remonte à des années scouts, à tes années scouts, dans la contemplation d'un lever de soleil. C'est ça. Alors, de cette chanson, alors pourquoi ce choix de Maria Cristina Plata ? Pourquoi ce choix ? Tout d'abord pour la pureté de la guitare acoustique et de la voix qui permet de transmettre des émotions à l'état naturel. Et puis parce que c'est une chanson d'amour d'une chanteuse colombienne et le titre « Me borrarás », ça veut dire tu vas m'effacer, tu m'effaceras. Et en fait, je trouve que la planète pourrait chanter cette chanson. Parce qu'elle pourrait dire, bah voilà, tu m'effaces parce que je ne t'appartiens pas. La planète n'appartient pas aux hommes. On habite dessus pour moi. Et même si la planète nous répète qu'elle nous aime, toi qui viens habiter ma surface, je t'accueille. Et à la fin, ça se termine par Yo seré una sombra más. Et la planète pourrait dire, bah voilà, moi qui t'accueille, je pourrais être une ombre pour toi. Devenir une ombre pour toi. Tu pourrais m'oublier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que je trouve que la planète pourrait chanter cette chanson-là comme un appel au secours, en fait, pour les hommes, pour qu'ils réagissent et arrêtent de la souiller pour en prendre soin. Voilà. C'est émouvant. Je t'assure que là, c'est... Ouais, j'ai presque les larmes aux yeux en t'écoutant. C'est vraiment... Ouais. Alors, ben, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous aussi êtes touchés et que vous êtes conscients de l'actualité planétaire et environnementale qui n'est pas très positive. Tout ça m'amène à parler de ton émotion. Alors, tu en as choisi deux, un mélange entre peine et espoir. Et, parce que tu m'as dit d'un côté être consterné parce que ce qui arrive aujourd'hui est selon toi la faute des habitants de cette terre, du fonctionnement ancestral de nos sociétés. Les êtres humains cherchent et ont toujours cherché à s'enrichir, à conquérir, à coloniser. Tu me dis regretter les colonisations, les exercices du pouvoir sur d'autres êtres humains, la nature, animaux, religions, entités culturelles ou sexuelles. Alors, depuis quand ces émotions, tout ça, se mélangent en Depuis longtemps. Ouais. Depuis longtemps parce que pour moi, chaque jour, c'est... l'occasion justement de se rendre compte de la chance que j'ai, de la chance qu'on a de vivre, d'être sur cette terre, et que il faut essayer de sortir un peu de cette négativité qu'on a tous les jours, cette habitude un peu culturelle, je trouve, qu'on a de se plaindre, alors que on a tellement de chance d'être là. Et effectivement, il y a des choses qui vont pas, mais en cherchant bien chaque jour, on peut trouver des choses qui vont bien. Ouais. Ça peut être des détails, hein, des choses toutes bêtes. Par exemple, quand je tiens la porte à quelqu'un, un sourire, ou bien quand on se croise, un regard, avoir une attention pour l'autre. Des détails comme ça qui, moi, me rendent heureux, hein, concrètement, chaque jour. Et puis, c'est aussi essayer de faire de mon mieux pour que les autres aillent bien chaque jour. Mmh. Essayer de transmettre tout ça. Et puis, se dire que, en additionnant chacun à sa façon, ces petits points positifs, ça permet de voir la vie d'une autre façon. Et de se dire, il y a aussi d'autres façons de vivre. Mmh. La solidarité, la convivialité. Et puis, aller chercher chez l'autre le positif, valoriser l'autre. Et puis, se dire que on est chacun source de bonheur, d'échange, d'apport à l'autre. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et puis, on a chacun nos ressources, notre parcours, mais chacun les solutions de s'en sortir, donner une vision positive, et puis de traiter positivement aussi la planète. Ouais, d'affronter ses peurs, ne pas se laisser guider par ses préjugés. C'est ça. D'accepter les différences. Mmh. Exactement. Parce que toutes les différences sont riches aussi. Et... Oui. Et voilà, c'est... Tu as un exemple, Thomas. Fais ce que je peux, merci. Je t'ai dit, c'est... Et oui, c'est vrai que même contempler le soleil avec conscience, c'est ce que tu fais, ça permet de se rendre compte de notre toute petite place sur cette planète et de la chance qu'on a de profiter de tout ça. Oui. On va passer par le deuxième choix musical. C'est parti. J'ai pris Radiohead et leur titre Creep, c'est ça ? C'est ça. When you were before. Look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Perfect soul. special. I wish I was special. Écoutez Radiohead et leur titre Creep. Alors, vous êtes bien sur Fadjet, l'émission La Nature et moi, et nous sommes toujours en compagnie de Thomas, qui nous a fait partager son expérience émotionnelle face à la catastrophe environnementale. Tu en avais choisi deux, d'émotion, la peine et l'espoir. Mmh. Alors, est-ce que tu veux nous parler de cette chanson ? Alors, cette chanson, je l'ai choisie avant tout pour l'émotion qu'elle véhicule. Dans sa forme, avec les différents morceaux musicaux. Et puis, au niveau de la voix aussi, je trouve que la voix de ce chanteur est aussi très, très prenante, très émouvante. Et je l'ai choisi aussi parce que dans cette chanson, c'est un homme qui se déprécie, qui veut avoir le contrôle, qui cherche la perfection, parce qu'il veut être remarqué par la femme qu'il convoite, qui, elle, fuit. Il ne sent pas la hauteur de cette beauté, de la pureté de cette femme. Et finalement, il est prêt à tout pour prendre soin d'elle, la rendre heureuse. Et avant, la terre était magnifique. Puis l'homme, par ses désirs de conquête, de pouvoir, agit sans vraiment s'en préoccuper, bien au contraire. Et aujourd'hui, je me dis que l'homme devrait avoir honte de détruire la terre, mais que chaque personne a la possibilité de changer, d'en prendre soin à sa manière. Alors, la partie culturelle de l'émission, là, tu as choisi une chanson d'un artiste qui est aujourd'hui l'un des compositeurs les plus remarquables de la Colombie. Artiste qui vient de ton pays, donc d'origine. Exactement. Et la chanson, alors, est-ce que tu peux me la dire avec l'accent? Parce que moi, c'est El Amor Más Grande del Planeta, c'est ça ? C'est ça. De Felipe Peláez. C'est ça. Ah, ok, c'est parti. Este amor es el amor más grande de mi vida. Y sin temor a equivocarme, Este es el amor más grande del planeta. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados, locamente a enamorarse, y nada los detuvo, terminaron enredándose. Hey, y nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, como me besas nadie besa a nadie. Y nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera, Este amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mi vida la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Y nace el amor más grande del planeta. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Y como siempre, a Robert, Nandín, Osvaldo y mi hermanito Alex y Guaray, que son los míos. Et l'amour más grande del planeta de Felipe Pelaez. J'ai pas trop l'accent, mais. C'était bon, c'est tout ça, c'est tout bien. Et donc, c'était pour illustrer donc, tes émotions, la peine et l'espoir. Alors, c'est ça. Dis-nous en plus. Exactement. Donc, j'ai choisi cette chanson par rapport à son titre, tout d'abord. L'amour le plus grand de la planète, en traduction littérale. Ouais. Et voilà, au niveau de la peine, c'est parce que. Aucune aussi belle déclaration d'amour pour notre terre n'a été faite. Ouais. Nous ne prenons pas les bonnes décisions pour la sauver. Des intérêts financiers, mercantiles priment sur celui de la planète. Et c'est ça qui me fait de la peine. Parce que pour moi, elle a droit à avoir des déclarations d'amour aussi, cette planète. Wow. C'est grâce à elle qu'on est là. C'est sur cette planète que nous vivons. Et sans elle, on serait où ? On serait quoi ? On ferait quoi ? Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on peut contempler tous les jours la beauté de la nature. Et l'espoir, parce que cette chanson, c'est l'amour infini, la certitude des sentiments, la passion. Un homme qui ne craint rien par amour pour cette femme. Et ça donne naissance aux certitudes, à la passion, aux convictions qu'ensemble, on peut protéger, soigner la planète. C'est ça, cette énergie-là, cette passion, cette conviction qui doit nous animer chaque jour dans notre vie quotidienne, mais aussi par rapport à la planète pour la sauver. Et ce qui est positif, c'est que, voilà, en ce moment, on est en train de vivre ça partout dans le monde. On est en train de voir des choses éclore, des actions éclore collectives. Par rapport à cette prise de conscience que ben, on peut changer les choses pour la planète, on peut se mobiliser tous ensemble, et c'est ça qui est positif, et c'est ça qu'il faut continuer à faire. Mais voilà, après, chacun à notre manière. On n'est pas obligé non plus de défiler, d'aller manifester, de non, pas forcément. C'est chacun la solution à son dans son quotidien. En tout cas, tu nous donnes beaucoup d'énergie positive et ça donne vraiment envie de se mobiliser et de continuer à protéger cette belle planète. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je pense que tu as dit beaucoup de choses sur ton espoir pour l'homme et la planète. Donc, le monde rêvé pour toi, ça serait... Le monde rêvé, c'est simplement le monde tel que je le vois, de la manière dont je le ressens, avec beaucoup de solidarité, d'acceptation de la différence, arrêter de juger, d'avoir peur dès que c'est différent, avoir pouvoir évoquer ce que l'on ressent, ses sentiments, librement, sans avoir peur. Et puis, voilà, que chacun vive comme il l'entend, quelle que soit sa religion, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa différence. Parce que chacun est une force et que voilà, la planète est belle, on peut ensemble la rendre encore plus belle. Par ces derniers mots, écoute, on va se dire au revoir.